C'est sorti en primeur ce printemps que le centre sportif de Saint-Félicien va devenir le centre Marianne-Saint-Gelais à compter de dimanche. Ben, ça va se faire dans le cadre d'une cérémonie. Question de savoir comment que ça va se passer le tout. On en parle avec Suzanne Saint-Laurent, qui est la directrice des sports à la ville de Saint-Félicien. Salut Suzanne. Bonjour. Oui, ça va bien Suzanne, effectivement. Comment ça va se passer cette fête-là qui va avoir lieu dimanche à 14h à Saint-Félicien? Ben, je pense que tu as pris le bon mot, là. C'est quand même une fête. Ouais. On sait que Marianne, c'est quand même une fille qui est festive. Ouais. Donc, en fait, c'est une fête pour lui rendre hommage. Et comme ça a été annoncé il y a quand même un certain temps, oui, le centre récréatif va porter son nom. Mais c'est surtout un hommage qu'on rend à Marianne. Hommage, effectivement, pour ses performances athlétiques au niveau du patin. Mais c'est aussi peut-être un modèle pour nos jeunes qui font de la danse, qui font du patin, qui font du hockey, tous les sports confondus ou toute l'activité physique dans lequel on sait qu'avec une belle personnalité, de la persévérance et de faire son activité avec plaisir, ben ça porte fruit. Mmh. On est capable d'aller loin comme ça, puis c'est un peu ça. C'est pour ça que je prends l'appellation « hommage okay. ». Donc, ça va être l'esprit à la fête, puis on invite toute la population à venir la rencontrer. Et ça va pouvoir va être une belle occasion pour dévoiler officiellement. Parce que oui, on sait que Marianne, elle sait depuis un certain temps. Mais à un moment donné, quand c'est officiel que les lettres sont vraiment inscrites sur le mur extérieur et que ça prend forme pour de vrai, ben c'est ce qu'on va lui faire. Ça va être sa fête dimanche, le 15, à compter de midi. Okay. Toute la population a été invitée. Puis, Suzanne, ça va-tu ressembler à ce qu'on a connu v'là 5 ans à Vancouver? Après, toute la ville de Saint-Félicien avait fêté Marianne. Ça va être une belle fête, ça. Ben, ça va être une belle fête. Non, c'est pas le même modèle. Pourquoi? Ben, c'est sûr que ça va être encore une fête et festive. Okay. Parce que ça représente Marianne ou les gens de Saint-Félicien également. Mais non, pas dans le même modèle parce que il y a toute l'indication extérieure sur le bâtiment Centre récréatif Marianne-Saint-Gelais. Donc, il y a une partie de l'accueil qui va se faire à l'extérieur, la partie protocolaire. Et ensuite, on va demander aux gens d'entrer à l'intérieur, passer à l'intérieur du centre récréatif pour vivre ou leur dévoiler également des virages santé. Parce que pour atteindre le niveau de Marianne, il faut bien s'alimenter, il faut s'entraîner. Donc, avec l'inscription de Centre récréatif Marianne-Saint-Gelais, la corporation et la ville de Saint-Félicien ont quand même instauré certains virages au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement. C'est ce qu'on va dévoiler également. Et par la suite, ça va être suivi d'un méga patinage libre dans lequel les gens sont invités à être actifs et patiner justement avec l'Olympia. Okay. Mais Marianne, je pense, je me trompe, mais t'es encore porte-parole, justement, de l'organisme, là, Domaine du Roi en Fond. Mais... Ben, elle l'est plus, okay. Elle l'est plus, mais quand même, Marianne est très amie avec plusieurs organismes ou est généreuse de son temps. Donc, à toutes les fois qu'elle vient à Saint-Vicey, c'est pas surprenant qu'elle ait rencontré le club de patinage artistique. Qu'elle vienne faire un coucou aux jeunes du camp de jour. Donc, non, elle n'est plus nécessairement porte-parole, mais elle est quand même partie prenante là, au niveau des saines habitudes de vie sur le territoire. Okay. Est-ce que les éclairs de Saint-Félicien, le club où ce que là, tout a commencé, va également lui rendre hommage? J'imagine que oui. Ben, ils vont être présents, puis je pense que dans le fond, d'être présent et de la rencontrer, c'est plutôt elle qui va. En faisant ça, on fait comme une mixité des deux, c'est-à-dire que, dans le fond, elle a jamais renié le départ de, on va dire, sa carrière ou de son patin, c'est de tous les éclairs. Elle est encore membre de ce club-là. Ah oui? Oui, elle est encore membre. Donc, je pense que ça va être une rencontre de son club et c'est plutôt sa générosité qui lui permet de rendre ça aux jeunes. OK. Donc, ça commence à midi dimanche. Est-ce que Philippe Couillet... Au centre récréatif. Il faut vraiment se rendre à midi au centre récréatif parce que ce qu'on veut, c'est on veut, à son arrivée à Marianne, à midi et quart, qu'on lui fasse un bel accueil. Okay. Donc, on demande vraiment aux gens d'arriver à midi, midi moins quart, pour qu'à midi et quart, quand Marianne va arriver, que là, on est capable de l'accueillir là en trompe, là... avec tout notre amour et notre accueil. Est-ce que... Et ensuite, il y a la partie protocolaire à l'extérieur. Est-ce que le Philippe Couillard va être là? Est-ce que... Je peux pas te dire. Les gens y ont reçu des invitations. C'est sûr que les invitations y ont parti seulement qu'hier. Il fallait faire arrimer là, l'arrivée de Marianne et les disponibilités de tous, mais je peux pas te confirmer à ce niveau-là. Pourquoi ça a sorti? On a rien su cette semaine. Ça a commencé à voir cette semaine. Pourquoi ça a pas été ça a pas été préparé plus longtemps d'avance? C'est parce que vous l'avez su à la dernière minute, puis Marianne a dit c'est là? Non, ben je pense que il y a quand même une annonce qui a été faite dans le temps, là. J'écoute, ça fait quoi, un an et demi, deux ans. Et c'est plutôt les gens qui nous demandaient quand, au lieu de que nous, on soit prêts. Tu sais, normalement, ça aurait été à l'inverse. Ouais. Lorsqu'on est prêt, on fait l'invitation. Ça fait un an que les gens, toutes les semaines, nous demandent c'est quand. Alors, c'est peut-être dans l'ordre des choses. J'imagine c'est parce que les gens, ils étaient contents et ils avaient hâte que ça se passe. Mais on n'était pas prêts, tout simplement. Parle-moi maintenant du sport à Saint-Félicien. Vu que tu es la directrice de la Richesse sportive à Saint-Félicien, comment ça va de ce côté-là cette année, dans la plupart des sports, là? Ben ça va très bien. Moi, je pense qu'à Saint-Félicien, là, on a beaucoup de bénévoles et d'entraîneurs ou de personnes ressources, là, tant au niveau du développement que de l'élite, que de l'initiation à tous les niveaux, dans tous les sphères d'activité, que ce soit en piscine, en gymnase, sur glace, hors glace, en vélo. Je pense que les gens de Saint-Félicien, c'est des gens en forme qui ont à cœur justement de se tenir en santé et à une autre bonne partie de performer également. Pour ma part, moi, ce que je sens, c'est que ça va très, très bien. Au niveau de la relève aussi, là, on sent que les gens ont à cœur l'activité physique. Bon. Ben, Suzanne, un gros merci. On va être là sûrement dimanche. Et moi, je pense que Marianne, c'est un honneur amplement mérité. Quelque part, elle a jamais régné Saint-Félicien. C'est l'ambassadrice numéro un, je pense, au Québec, de Saint-Félicien. Et elle mérite amplement ce qui lui arrive. Ben, je te remercie, puis on va t'attendre dimanche. Suzanne Tillolant, la directrice des sports à Saint-Félicien.